morceau de mon âme. Un morceau de mon âme avant que j'y mette le feu. J'adoucis pas mes 21 grammes dans un pet de bœuf. En manque de quiétude, j'suis pas en quête de buzz. Je me prends la tête à rassembler les pièces du buzz. Je lève mon verre à la santé de la paix du peuple. Sous l'averse, j'écris sous les cieux ténébreux. Déjà très jeune, des êtres chers perdaient les cheveux sans même les arracher. J'ai vu l'amour crever les yeux. Monoparentale, maman a fait les deux paradoxales. Elle nous a offert ce qu'il y avait de mieux. Elle veille sur le monde, maman est merveilleuse. Si elle occupe les conversations, c'est sûrement celle des dieux. Le côté obscur, je le vois en couleur. Un morceau de mon esprit combat mes douleurs. Insoumis et comme promis, la forme est dans le fond. Quand l'histoire occulte colonise la faune et la flore. L'homme est à loup pour l'homme, les piliers de l'enclos. Ou les milliers de sanglots de la terre mère en cloque. Condamné à vie depuis l'échographie. Ils ont cerné la planète et tué l'autarcie. La fusion de Cluzel et d'Omar Sy. En manque de quiétude, j'suis pas en quête de buzz. J'ai refusé de reproduire ce qu'on m'a dit. Voilà un morceau de moi-même avant que j'y mette le feu. Votre monde est gris, je le quitterai pas comme bac. La colombe se fait les griffes, les corbeaux se combattent. Se combattent. Chaque écrit, j'y greffe un morceau de mon âme. Et j'irai jusqu'au plus profond de moi. La fusion de Cluzel et d'Omar Sy. En manque de quiétude, j'suis pas en quête de buzz. J'ai refusé de reproduire ce qu'on m'a dit. Voilà un morceau de moi-même avant que j'y mette le feu. Si l'avenir distribue les cartes, le temps m'a dit pioche. Difficile quand la mort ricoche de diminuer l'espoir. L'espoir est un mauvais dealer de vie vieux. Parle-en aux mineurs de rifle. On attend tous un chèque à 7 chiffres. Car il paraît que c'est mieux de pleurer en Porsche. On en rêve tous de la belle vie. Mais le matériel nous rend amnésiques. Hier a disparu quand chaque matin le ciel se lève. Nous on écrit nos lendemains avec de vieilles lacunes. Je rétis, j'abuse, m'énerve vite, je rature. Nerveux, je persévère, trop perfide et la fume. J'ai souvent cru que l'amour me bercerait. J'attends toujours que mon cœur de pierre s'allume. Ressens mon âme, je pensais que la joie s'y déverserait. Mais mes fantômes font des rois guerres sous la lune. Ok, écoute, je vais faire pleurer la plume. Je sais que j'ai pas rendu ma taronne heureuse et je l'assume. À quoi vont se leurrer la thune? Tchernobyl, ça va finir par exploser comme à Tchernobyl. Tant qu'il défile est vite perdu, tu devrais te méfier, ma fille. Combien ne sont jamais revenus après avoir défié la ville? Cours après la richesse, tu verras tout tes biens s'évanouir. Perdu, j'étais prêt à tricher pour voir les miens s'épanouir. Tous pareils, pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? Tu dis pourquoi t'as fait quand les petits en bas font 5 loyers par mois? T'inciterai pas au mal. Arrête tes conneries, va ranger ta chambre. Le match est arrangé, mais pour gollerie, tu peux tenter ta chance. Pourquoi tu parles de tonnes? C'est ce que ton maître veut. Comme Benjamin Button, j'aurais dû naître vieux. Plus d'une corde à mon arc, mépris c'est pas mon art. Juste un morceau de mon âme avant d'y mettre le feu. Votre monde est gris, je le quitterai pas comme bac. La colombe se fait les griffes, les corbeaux se combattent. Se combattent. Chaque écrit, j'y greffe un morceau de mon âme. Et j'irai jusqu'au plus profond de moi. Votre monde est gris, je le quitterai pas comme bac. La colombe se fait les griffes, les corbeaux se combattent. L'homme est écrit et je lui greffe un morceau de mon âme. Et j'irai jusqu'au plus profond de moi. Votre monde est gris, je le quitterai pas comme bac. La colombe se fait les griffes, les corbeaux se combattent. Se combattent. Chaque écrit, j'y greffe un morceau de mon âme. Et j'irai jusqu'au plus profond de moi. La fusion de Cluzel et d'Omar Sy. En manque de quiétude, j'suis pas en quête de buzz. J'ai refusé de reproduire ce qu'on m'a dit. Voilà un morceau de moi-même avant que j'y mette le feu.